C'est un fait que nous assistons depuis déjà quelques années à un ensemble de luttes dont chacune est tout à fait singulière, tout à fait particulière, mais qui ont quand même un air de famille sous un même toit. Alors, cela va, bien sûr, depuis le non au barrage de Sivens jusqu'au notable du Val de Suse, en passant par le non à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Le nom aux lignes de très haute tension, ou le nom aux mines d'or de la Chalcidica, tout près de Salonique. Et tout cela parmi bien d'autres exemples d'un radical refus d'obtempérer. Comme personnellement, je n'ai participé à aucune de ces luttes, des luttes que je trouve commodes d'appeler luttes zadistes, je ne peux fournir ni témoignage, ni expérience, donc rien de descriptif, rien de vécu. Je ne peux qu'essayer d'en explorer quelques aspects d'une façon tout à fait spéculative. Alors voilà, une caractéristique qui me semble commune à l'ensemble des luttes zadistes, c'est qu'elles sont liées à la défense d'un territoire, d'un environnement, d'un mode de vie, contre des opérations qui lèsent les populations locales ou les écosystèmes existants. Elles prennent donc place en milieu rural, ou en tout cas en dehors des grandes agglomérations urbaines, et ces caractéristiques les rattachent bien entendu aux mouvements écologistes. Elles prennent appui effectivement sur l'essor de la sensibilité envers l'environnement, sur la critique d'un modèle de développement et de croissance qui est de plus en plus contesté. Ceci est vrai, mais elles présentent aussi d'autres caractéristiques qui les font déborder d'une simple inscription dans le cadre écologiste, fût-il radical. Ce sont précisément ces autres caractéristiques qui permettent de les rattacher à certaines luttes, certaines autres luttes, qui elles se déroulent en milieu urbain, telles que la révolte de la place Taksim en plein cœur d'Istanbul en 2013, ou la révolte du quartier de Gomonal dans la ville espagnole de Burgos en 2014, ou encore la défense du centre social autogéré de Can Vies qui mobilisa tout le quartier barcelonais de Sants l'année dernière. Il s'agit, dans tous les cas, de la défense d'un certain espace contre une opération d'aménagement ou contre une intrusion, mais il s'agit également, dans tous les cas, aussi bien dans le milieu rural qu'en milieu urbain, de la mise en place de pratiques assez semblables qui en appellent notamment à l'horizontalité, au rapport non hiérarchique ou à l'action directe. Et un élément important de ces pratiques consiste en ce qu'elles placent le locus des décisions concernant les luttes au sein même de ces luttes, faisant en sorte que les décisions soient élaborées en commun et directement par les collectifs qui y sont physiquement engagés. Par conséquent, porte close, fin de non-recevoir, face à toute consigne qui proviendrait de l'extérieur des luttes. Si une certaine parenté se manifeste entre les luttes zadistes et certaines luttes en milieu urbain, c'est peut-être parce qu'elles font partie d'un même schéma général, d'un même type de phénomène subversif, une nouvelle modalité qui engloberait également, en élargissant, les mouvements surgis à la fin des années 90, début des années 2000, contre les divers sommets néolibéraux, et qui s'étendrait aussi aux occupations de place en 2011 à Madrid, à Barcelone ou à New York. Les similitudes entre ces différents combats finissent donc par constituer un ensemble assez vaste dans lequel se manifeste ce qui constitue, à mon avis, le nouvel ethos subversif de l'époque actuelle. Ce qui caractérise cet ensemble de luttes, dont l'air de famille ne devrait quand même pas masquer la diversité, l'hétérogénéité, c'est un nouveau rapport aux politiques sur le double plan de l'idéologie et des pratiques. En effet, la traditionnelle insertion des luttes dans la sphère de l'idéologie politique se déplace vers leur ancrage dans les problèmes spécifiques et dans le concret. Les pratiques prennent, pour ainsi dire, le devant sur les discours, l'inscription idéologique des acteurs n'est plus l'élément principal, et c'est pourquoi ces mouvements sont marqués par une certaine transversalité politique. En fait, il est assez facile de voir que ces luttes établissent un certain écart par rapport à deux des grands axes sur lesquels se situaient auparavant la plupart des luttes. D'un côté, leur lieu n'est plus celui des centres de production industrielle ou des grandes compagnies de services. Elles ne sont pas intérieures au tissu productif de type industriel. Et surtout, les revendications ne sont plus liées essentiellement au travail, que ce soit en termes de salaire ou que ce soit en termes de conditions de travail. De notre côté, ces luttes s'éloignent aussi d'un deuxième grand axe traditionnel qui est celui de la revendication des droits, qu'il s'agisse de droits civils, comme dans les luttes contre les discriminations en raison de race ou de sexe, ou qu'il s'agisse de droits d'autodétermination, comme dans les combats pour l'indépendance. Une autre particularité de ces luttes, c'est qu'elles s'inscrivent dans une logique de la contention plutôt que dans une logique cinétique, une logique du mouvement. En effet, il s'agit de faire barrage au lieu de chercher le moyen d'avancer ou même d'avancer plus vite. Si bien que les stratégies globales tendues vers le but du grand changement social radical, qui était donc tendu vers le futur, se déplacent vers des stratégies ancrées sur l'ici et le maintenant. Le principe actif, le moteur qui anime ces combats ne mobilise plus l'imaginaire d'avancer vers, mais celui de bloquer le pouvoir ici et tout de suite, et c'est pourquoi je parle de contention. Il est vrai par ailleurs que le débat qui opposait les agendas des luttes globales aux agendas des luttes locales a perdu aujourd'hui de son acuité. Mais le fait que les luttes zadistes s'articulent essentiellement sur le plan du local pourrait peut-être jeter un doute sur leur efficacité à une époque où la globalisation est plus que jamais à l'ordre du jour. Pourtant, c'est précisément parce que tout est interconnecté de manière de plus en plus inextricable que des fluctuations purement locales peuvent réussir à envahir tout le système. Jadis, l'onde d'expansion ou de propagation des perturbations locales s'épuisait assez rapidement et les effets de ces perturbations locales étaient voués à demeurer strictement à ce niveau-là. Aujourd'hui, leur retentissement peut être immédiat, démesuré, imprévisible. Cela veut dire que les éventuelles retombées globales des luttes locales de type zadiste sont donc tout à fait possibles. D'autant plus que ces luttes agissent localement, certes, mais sur des phénomènes et sur des processus qui, eux, sont de nature globale. Pour conclure, et je ne vais donc même pas épuiser le quart d'heure alloué, je voudrais mentionner un dernier point qui me semble important. Je partage tout à fait l'idée défendue par le comité invisible, selon laquelle le pouvoir réside de moins en moins dans les institutions politiques classiques, telles que les parlements, les États, les gouvernements, et j'ajouterai, ce qui est quand même plus risqué, les institutions financières. Il a abandonné ses figures et il réside de manière de plus en plus importante dans les grandes infrastructures qui canalisent et qui conditionnent notre vie quotidienne. En effet, étant devenue incontournable, omniprésente, incrustée dans la chair de nos sociétés, ce sont les grandes infrastructures constituées par les voies et les réseaux de transport, leur transport d'objets, de marchandises, de personnes, mais aussi transport de fluides, d'énergie, d'images, d'informations, de signaux, de communications, qui règlent aujourd'hui une bonne part des processus sociaux. Et je crois que nous ne pouvons pas espérer changer radicalement notre mode de vie si nous ne visons que la transformation du champ politique, d'une part, et des structures économiques, d'autre part, et si nous ne nous soustrayons pas en même temps, parce que le reste est aussi important, à l'emprise des grandes infrastructures. Pour peu qu'il y ait du vrai dans cette manière de penser les choses, peut-être pourrait-on voir dans les combats zadistes l'amorce d'une migration des luttes qui déserterait la scène de l'affrontement politique classique pour s'aventurer sur le terrain de la subversion des infrastructures et de leur technologie. Peut-être, finalement, que les vieux ludites n'avaient pas tout à fait tort, et qui sait si nous n'aurions pas intérêt, non pas à les imiter, bien entendu, mais à nous en inspirer. Et puis, Encore une toute dernière observation liée à la croissante territorialisation des luttes. Territorialisation au sens de l'importance acquise par les territoires en tant qu'ils sont à la fois enjeux, mais aussi terrain de jeu des luttes. Au vu de l'importance prise par le territoire, on pourrait penser que c'est un peu comme si la société liquide produisait ses propres anticorps et nous incitait à rechercher des ancrages solides, fortement rivés au sol. En ce sens, la croissante importance prise par les territoires serait en quelque sorte la contrepartie à la croissante liquéfaction de nos sociétés. Alors, comme je vous l'ai dit au départ, pas d'expérience concrète, pas de témoignage, rien de précis à dire sur ces luttes, simplement quelques réflexions d'ordre général et qui ne sont peut-être pas très connectées avec la réalité de ce qui se passe et qu'on va connaître maintenant.